et du cœur. On fait du mieux possible, on ne fera jamais l'unanimité. Les avis seront toujours tranchés comme la lame d'un cutter. Je donnerai tout ce que j'ai dans le ventre afin de ne pas regretter. Afin de ne pas regretter. Je donnerai tout ce que j'ai afin de ne pas regretter. Afin de ne pas regretter. Hey. Pas le temps pour les regrets, comme disait Ali. Quand je dis Inch'Allah, ne fais pas comme Florent, sois pas pris de panique. On fait du rap depuis notre plus jeune âge, ça fait de nous des bandits et des cancres. Pour ma part, je n'ai jamais pressé la détente. Non. Enfant des HLM, ouais, on y a tout fait ici. Y'a des petites et grandes sœurs diplômées que jamais on ne fait des sites. On monte toujours du doigt les crasseuses qui tournent comme la BAC. On monte toujours du doigt les brasseurs qui puis craftent la frappe. On a de tout, on fait naître des sportifs de haut niveau. On vit d'amour et d'eau fraîche, on se plaît dans cette vie de bohème. On se contente de peu, un joint de bœuf suffit à leur bonheur. Attention mon vieux, un crissement de pneus suffit à ton malheur. 2013, rien n'a changé, on cherche toujours les mêmes sous. En bas du bloc, on croise les mêmes mecs sous et les mêmes fous. Va de l'avant, on n'a qu'une vie, y'a pas de Mario ici-bas. Mais protège-toi du mal et du fléau qu'on appelle Sida. On donne tout pour les frères et sœurs, on y met du cœur. On fait du mieux possible, on ne fera jamais l'unanimité. Les avis seront toujours tranchés comme la lame d'un cutter. Je donnerai tout ce que j'ai dans le ventre afin de ne pas regretter. Afin de ne pas regretter. Je donnerai tout ce que j'ai afin de ne pas regretter. Afin de ne pas regretter. Hey. Leur en veut pas, ils ont pas été formés à faire la courte échelle. Dès que tu grimpes et qu'il y a un peu de buzz autour de toi, sache que t'es seul. Les quelques frères sur qui je peux compter, big up, cœur sur vous, comme ils disent sur Twitter. Ils me soutiendraient jusqu'à la mort, même si je fidais avec Bieber. La jalousie, la trahison feront toujours partie du jeu. C'est moi qui distribue les cartes, donc ça fait deux des envieux. J'ai mis un front kick dans le rétro, donc je sais pas ce qui se passe derrière. Je viens juste d'échanger mes plaquettes, mais je freinerai pas ma carrière. Les coups de pute nous endurcissent, mais c'est ce qui fait de nous des hommes. Se faire la guerre pour un bout de femme, tu trouves pas que ça fait des ordres? Et aux petits frères, tu peux me dire quel exemple on leur donne? On se tire dessus pour pas grand chose, pour quelques vulgaires sommes. Les peines de prison s'additionnent, et c'est la maman qui souffre. Regarde bien sa bougie, c'est peut-être la dernière qu'elle souffre. Afin de ne pas regretter, je donnerai tout ce que j'ai dans le bide. La foi nous maintient de ces envies soudaines de te jeter dans le vide. On donne tout pour les frères et sœurs, on y met du cœur. On fait du mieux possible, on ne fera jamais l'unanimité. Les avis seront toujours tranchés comme la lame d'un cutter. Je donnerai tout ce que j'ai dans le ventre afin de ne pas regretter. Afin de ne pas regretter. Je donnerai tout ce que j'ai afin de ne pas regretter. Afin de ne pas regretter. Donne tout pour les frères et sœurs, on y met du cœur. On fait du mieux possible, on ne fera jamais l'unanimité. Les avis seront toujours tranchés comme la lame d'un cutter. Je donnerai tout ce que j'ai dans le ventre afin de ne pas regretter.